Pour faire référence à une langue, la langue que l'on parle, on utilise le mot 文, double le V, 文, 文. Ce mot signifie littéralement littérature, culture, écriture. Donc, la langue chinoise se dit 中文. Et comment diriez-vous langue française? Fa-wen, c'est ça? Oui, fa-wen. Et au fur et à mesure que vous apprendrez comment dire d'autres nationalités, vous pourrez également ajouter wen après leur nom pour parler de la langue, de la culture ou de la littérature. Alors, comment dites-vous langue chinoise ou chinois? Zhongwen. Et comment dites-vous langue française ou français? Fa-wen. Elle n'est pas mon professeur de français. Dans cette phrase, nous n'aurons pas besoin de traduire le de en chinois. Il suffit de dire littéralement « Elle ne pas être mon langue française professeur ». Alors commençons par « elle ». Ta n'est pas bu shi mon wo de langue française ou français fa wen professeur lao shi. Elle n'est pas mon professeur de français. Ta bu shi wo de fa wen lao shi. Alors, comment direz-vous « Mon professeur de chinois est un bon ami », c'est-à-dire « mon bon ami ». Alors, dites d'abord « mon ». Wǒ de langue chinoise ou chinois. Zhongwen professeur. Lǎo shì est shì mon wǒ de bon, hǎo, ami, pengyou. Et comment dites-vous je? Wǒ. Bien. Et comment dites-vous mon? Wǒ de. Mon professeur de chinois est un bon ami. Wǒ de zhōngwěn lǎo shì shì wǒ de hǎo. Une autre question. Ton professeur de français est-il ton ami? C'est-à-dire ton langue française professeur. Rappelez-vous que pour poser une question, il faut simplement mettre la phrase à la forme affirmative « Ton professeur de français est ton ami » et ajouter un petit mot. Alors dites-moi, ton professeur de français est-il ton ami? Ton ni de langue française fa wen professeur lao shi est shi ton ami ton ni de ami peng yo et le mot interrogatif ma. De nouveau, comment dites-vous être? Shì. C'est bien ça. Shì. Ton professeur de français est-il ton ami? Ni de fa wen lao shì shì ni de peng you ma? Pourquoi ne pouvons-nous pas voir ton professeur de chinois maintenant? Pourquoi? Nous, ]我们, maintenant, ]现在, ne pas pouvoir ]不能, voir, rencontrer ]见, ton ]你的, langue chinoise ]中文, professeur lǎo shì Pourquoi ne pouvons-nous pas voir ton professeur de chinois maintenant? 为什么我们现在不能见你的中文老师？ Parce qu'il est trop occupé maintenant. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas le voir. Alors, parce que... 因为 Il, ta, maintenant, 现在 trop, tai, occupé, mang, parce qu'il est trop occupé maintenant. 因为他现在太忙